Et je remercie chaleureusement là, Isia, qui a fait ce travail là, colossal là, de transcription, là, dans le sens qu'il y a au-dessus de 600 pages là, qui ont été transcrites. Là. C'est vraiment énorme. Vraiment, là. Parce que je m'étais mis à le relire. Puis c'est vraiment énorme. Mais par contre, là, en le relisant, je me disais, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Souvent. J'ai vraiment l'impression que c'est pas moi que je lis. Mais c'est quand même pas le voisin. Ben, peut-être. Dans le sens que quand je relis, des fois, je vois là, je lis la question, puis par après, là, je relis ce que j'ai répondu, puis je me dis, j'arrive pas à croire que j'ai répondu ça. Parce que je vois bien qu'il y a une cohérence qui se suit. Pourtant, moi, je m'en rends pas compte au moment où où je réponds. Mais par après, je me dis, c'est quand même incroyable. Puis c'est vraiment comme si je lisais quelqu'un d'autre. Puis ce qui me surprend surtout, c'est que, bon, je lis ça, puis je vois qu'il y a une cohérence, tu sais. Puis je me dis, j'arrive pas à croire que j'ai répondu ça. Mais vraiment, dans le sens que je peux pas m'attribuer de mérite non plus. Puis je lis ça, puis c'est surréaliste. Parce que je me dis, ben, j'aimerais ça être brillant comme ce gars-là. Parce que finalement, dans ma vie de tous les jours, je suis pas comme ça. Puis, même, il y a des fois, je le relisais aujourd'hui, justement. Puis, il y a des choses que je lisais, puis je disais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Pourquoi est-ce que je l'applique pas, au quotidien, ça? Pourtant, je le sais, ça. Mais c'est vraiment comme si je lisais quelqu'un d'autre. Puis finalement, bon, ben, il reste qu'avec le recul, je suis quand même surpris. C'est surprenant. Puis c'est de voir aussi que finalement, moi, quand je réponds, je réfléchis pas, puis je pense pas selon une cohérence. Mais quand je le lis bout à bout, je me rends bien compte. Finalement, d'une entrevue à l'autre, il va tout le temps avoir une certaine cohérence. Il y a tout le temps le même fil qui suit.